C'est parti, la 2. D'accord. Tu vas doucement. Top, la 3. Ah oui. Vas-y, Michel, si tu veux. Vincel est d'abord une université pilote qui, par sa pédagogie et ses filières, constitue une expérience unique en France. De Vincennes s'est répandue une autre image, déformée, l'université des gauchistes et des clochards, folklorique, les graffitis, la saleté, le souk, où on trouve à se vêtir, à boire et à manger, c'est vrai. Vrai aussi ce remue-ménage permanent. Mais là, il y a une explication, c'est que Vincennes, construit en 1968 pour abriter 8000 étudiants, en accueille aujourd'hui 30 000. Bien sûr, les problèmes se multiplient. À chaque pas, en quelque sorte, nous sommes bloqué donc dans l'impossibilité partielle ou totale de fonctionner, ce qui explique cette animation politique revendicative de l'université qui chaque année doit imposer par la lutte l'obtention du minimum pour non pas fonctionner normalement mais reprendre et avancer qu'un cas. Ouvrage de Gadet et reprend donc l'ensemble. Un cours d'urbanisme, c'est l'une des filières originales et réputées de Vincennes. Le succès de cette université s'explique par un accueil sans aucune sélection des étudiants traditionnels, mais aussi des étrangers. On y vient des États-Unis, des pays latino-américains, africains et asiatiques. Et surtout, des non-bacheliers salariés. Pour eux, il a fallu aménager des horaires pratiques. Les cours fonctionnent donc jusqu'à 11h du soir. Là encore, Vincennes se retrouve seul à prendre une telle initiative. De Palladio, c'est à l'étude des ordres antiques, etc. Je suis venu de Provence pour suivre l'enseignement de Vincennes. Bon, de mon métier, je suis infirmier psychiatrique et je fais des études de psycho. Et ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire dans les cours que nous suivons, c'est que les gens, les étudiants, sont souvent des gens qui ont prise avec le métier, avec la profession. Quand on leur parle maladies mentales, ils savent ce que c'est. Quand on leur parle cas sociaux, ils savent ce que c'est. Alors là, il y a une élaboration dans la discussion qu'on ne peut pas retrouver, je pense, avec des étudiants qui sont du lycée. Un enseignement adapté, mais non pas dévalué, car Vincennes tient à la réputation de ses diplômes. Un enseignement difficile aussi, avec contrôle continu. Ajoutez à cela les conditions matérielles, finalement, il existe bien une sélection par le découragement. Et à Vincennes, s'il y a des salariés, il n'y a guère d'ouvriers. Reste cet intéressant trait d'union entre le monde du travail et celui des étudiants. Ben moi, je vois pas déjà comment je suis coupé du pays, étant donné que je travaille, je suis non-bachelier, et avant de venir étudier à Vincennes, je passe 4 heures dans une entreprise avec des travailleurs. Mais on est à Vincennes, on n'y est pas par hasard. Moi, je suis en anglo-américain, et c'est parce que c'est le seul département d'anglo-américain qui me permet d'avoir une licence où je pourrais enseigner après. Pourquoi cet afflux exceptionnel? Parce que ces possibilités qu'on a obtenues à Vincennes ne sont pas encore données à d'autres universités. Et c'est pour ça que pour nous, l'enjeu n'est pas simplement de survivre dans des conditions de plus en plus impossibles, mais c'est de faire comprendre qu'il y a à Vincennes une demande pour un certain nombre d'objectifs importants pour le développement de la condition universitaire et qu'il est urgent que les mêmes possibilités soient offertes dans d'autres lieux. Enfant terrible pour les uns, enfant chéri pour les autres, l'université de Vincennes, voulue par Edgar Faure comme le Berkeley français, fonctionne depuis 8 ans avec succès et un rayonnement mondial. Mais elle est toujours au bord de la fermeture. Isolée au milieu du bois de Vincennes, elle ne veut plus être le seul poisson pilote de l'université. Les Vincennois estiment avoir prouvé que l'université française n'est pas forcément condamnée à mort.